Un jour, Swann reçut une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes, de femmes, et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Des aveux même d'Odette confirmèrent la plupart de ses dires.